Le bulletin de sport local et régional de Danny Veilleux est une commandite de Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini. L'automne est arrivé et il est déjà le temps de se préparer pour la période froide qui s'en vient. Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini vous offre une vaste gamme de pneus d'hiver dans les marques les plus prestigieuses à différents prix. Venez voir nos souffleurs à neige qui seront utiles pendant nos hivers rigoureux. Canadian Tire, 1751 boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 418-276-2385. Consultez notre circulaire pour nos différents spéciaux et magasinez en ligne au canadiantire.ca. Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional du 13 novembre. On va ouvrir le bulletin de sport local et régional d'abord en parlant de football. Hier, dans la section entrevue de danradiosport.com, on a fait le bilan de l'année avec l'instructeur chef des Cougars de Chicoutimi-Lake Menache. Et on sait que les Cougars n'avaient pas fait les séries l'an dernier et ça a été une année fort positive, explique Nick Menache. Absolument, absolument. On n'est pas du tout dans la même position que l'année passée. L'année passée, on n'a pas fait les séries pour la première fois. Cette année, là, on a réussi à aller gagner un gros match de quart de finale. Et si on se fie au propos de Nick Menache, les Cougars auront une très, très bonne équipe l'an prochain. Jeune, donc mon camp arrière, c'était une recrue. Mon porteur de ballon, c'était une recrue. Mon meilleur receveur, c'était une recrue. J'ai vraiment là un groupe qui revient l'année prochaine. On perd une dizaine de joueurs maximum. Dont plusieurs joueurs d'impact qui vont être de retour. Là. Donc, tous mes transferts de division de l'an passé vont être de retour presque. Plusieurs vétérans, plusieurs joueurs de troisième année l'année prochaine. Donc, on va être un peu plus à maturité l'an prochain. Ça va donner une année supplémentaire à mon carrière, là, qui était un carrière recrue qui joue en demi-finale. Donc, un petit gars de Rouyn-Noranda qui a eu à jouer un gros match là, en fait, l'année passée. C'est beaucoup d'apprentissage en pas beaucoup de temps. Donc, avec l'hiver et la saison qui vient. Dans un dernier temps, Nick Menache parle que ça pourrait aider pour le recrutement. 5 joueurs de division qui sont joints à mon équipe et je n'ai pas fait les séries. J'ai des joueurs d'impact, Benoît Beaulieu, des Xavier Tremblay qui ont décidé de rester dans la région, qui ont joué avec nous, des joueurs des Mustangs. Donc, je me dis que si l'année passée, je n'ai pas fait les playoffs, et que j'ai réussi à ramasser autant de joueurs au niveau du recrutement, j'imagine pas ce que ça peut être avec une demi-finale. Donc j'ai bien. Ligue nationale de hockey, hier, il y avait un match et l'Avalanche du Colorado l'a emporté sur les Jets de Winnipeg par la marque de 4-0. Dans le match, on a dit que Samuel Girard a été blanchi dans le match et dans le cadre du défenseur de Roberval, il a joué quand même pendant un temps de 20 minutes 19 secondes et a terminé le match à plus 1. Et je termine avec une nouvelle concernant les Marquis de Jonquière, la Ligue nord-américaine de hockey qui a infligé une suspension de 10 rencontres au défenseur Jonathan Diaby. C'est pour l'altercation qui s'est prise avec un partisan des Pétroliers du Nord vendredi soir à Laval. Le préfet de la discipline de la Ligue, David Desnoyers, a mentionné au journal Le Quotidien qu'il voulait envoyer un message clair de discipline. Desnoyers qui est allé voir les jurisprudences pour fixer la suspension. Du côté des Marquis de Jonquière, on veut aller en appel de cette décision. Et le défenseur, plutôt l'attaquant Francis Véropoul a été sélectionné la troisième étoile de la semaine dans la Ligue nord-américaine de hockey. Au cours de la dernière semaine, Véropoul a marqué 3 buts et ajouté 2 passes. J'invite à la section entrevue de danradiosport.com. Hier, on a parlé avec Enoch Mouamba, le secondeur des Alouettes de Montréal. Et vous pouvez également écouter le bilan de la saison des Cougars de Chicoutimi avec Nick Menache. Sport local et régional à danradiosport.com.